J'ai choisi un long poème qui est un poème narratif, qui raconte des histoires, parce que je viens d'une langue, l'arabe, de deux langues, au fond, l'arabe et le français, qui racontent. On n'est pas encore à l'ère du poème abstrait, où les mots s'entrechoquent entre eux et donnent une image qui s'évanouit très vite. Le monde arabe aime raconter à travers le poème. Une vieille femme pliée jusqu'au sol arrache à main nue l'ortie qui a poussé sur ma page et la jette dans la marge. Elle s'arrête pour me crier qu'elle était ma mère. Je suis forcée de la croire à cause de l'ortie. L'hiver venu, les orties montées à l'assaut de nos fenêtres interdisaient au jour de pénétrer dans les chambres, narguer la lampe à pétrole, la femme qui était notre mère, partager avec nous la même odeur d'herbe jamais coupée et même pluie. Elle remettait toujours au lendemain ce travail qu'elle disait au-dessus de ses forces. C'est une fois morte qu'elle retroussa ses manches pour leur faire un sort. Ces âmes ne sont pas courts, ne sont pas signés de fatigue, mais de satisfaction devant le travail accompli. J'aurais dû le faire de mon vivant, explique-t-elle sur un ton d'excuse. Elle s'essuie le visage avec sa robe rongée par son séjour sous terre. Ma mère part pour parler, son silence pouvant être mal interprété, faire croire qu'elle est morte. Ma mère part pour remplir ma page, débarrasser le terrain vague de ces mauvaises herbes, déterrer du même geste les poèmes du fils et les orties. Elle dit des choses sans importance. Et les années lui tombent dessus à mesure qu'elle parle, une ride par phrase. Elle dit, les orties sont des vieilles connaissances, des voisines dénuées de grâce, hébergées par charité. Elle avait pitié d'elle une fois l'an, quand l'automne tournait le dos à l'hiver. Sa sympathie allait plutôt au grenadier adossé au mur de la cuisine. Ses menstrues taries lui revenaient par le biais de l'arbre qui la regardait, le regardait. Pourtant, elle n'était pas si vieille à l'époque. C'est une fois morte qu'elle a vieilli d'un coup. Lorsqu'elle dut traverser le pays en guerre pour se faire enterrer dans sa montagne, un village étroit, les hommes remplaçaient les arbres, les femmes étaient l'herbe. Enterrée au pied d'un mûrier mâle, ma mère retourna à la ville décolorée par les pluies. Comment fit-elle pour parcourir 12 000 kilomètres de guerre et de haine? Fallait le faire, dit-elle, modeste, mais elle a beau faucher. L'ortie arrachée croit plus vite que ses gestes. Arrivée un mercredi soir, si mes souvenirs sont bons, elle ne put compter sur l'aide de personne, campée dans sa fatigue. Elle enchaînait le jour à la nuit, consciente qu'elle pouvait remourir, sans avoir enterré nos cris et le linge sanglant du grenadier. Les voisins l'entendaient ahannée, distraits par le vacarme du vent qui tambourinait sur leurs volets, du soleil qui se tressissait de jour en jour. On l'oubliait quand la nuit transformait le ciel en tôle ondulée. On lui donnait des noms de coléoptères, on l'assimilait à l'araignée qui consomme époux après époux. Un passant étranger à la ville l'a pris pour une personne vivante, mais pas beaucoup. Elle fera mieux de mourir et de laisser sa place pour une ortie, suggéra-t-il. Le mot ortie me ramène à mon point de départ. Je vais pouvoir aller à la ligne ou reprendre une autre page. Avouez que rien de ce que j'ai décrit n'est vrai. Impossible pour une vieille femme, de surcroît morte, de revenir à pied dans une ville au nid pour déterrer larmes et poèmes et faucher les orties qui l'a narguée lorsque les insomnies l'a jetée vers la fenêtre d'où elle avait vu sur le mauvais côté de la nuit. Pourtant, il m'arrive de trouver crédible ce voyage de la morte et des mots, d'apprécier ses efforts de jardinage, les orties amassées dans l'angle d'une page, Ma mère interpellait les vivants barricadés derrière la nuit. Elle interpellait la mère cachée dans les maisons. Clamait haut le nom avant de regagner son sombre réduit sous le mourrier mâle. L'annonce de la mort de ma mère me jette dans la rue. Je m'adresse aux passants dans son dialecte âpre comme fruit de jujubier. Je crie pour écarter l'air qui entrave ma marche. Je me tais pour m'entendre pleurer. Je ramasse les larmes devenues pierreuses et les branches cassées. J'en ferai un feu alors que je n'ai ni cheminée ni mot à brûler. À genoux devant l'âtre, la mère injuriait les flammes quand un sarment trop vert faisait des étincelles. Elle avait un compte à régler avec le froid, avec ses reins. Quatre enfants suspendus à ses hanches, un seul vomisseur de boue et de poussière, le balai fidèle compagnon quitté à ras de tombe. Armé d'une plume ou d'un plumeau, j'essaye de tirer ma mère vers la maison des orties, mais elle lâche ma main. Elle fait cause commune avec un mûrier et un merle qui œuvre entre écorce et aubier. « Ménage-toi, répète-t-elle à l'oiseau, ton chant est plus long que ton souffle. Laisse l'ortie enterrer les orties. » C'était hier, il y a très longtemps. La colère du père renversait la maison. Nous nous cachions derrière les dunes pour émietter ses cris. La Méditerranée tournait autour de nous comme chien autour d'un mendiant. La mer nous appelait jusqu'au couchant. Ça devait être beau, mais ce n'était que triste. Les jardins trépassaient plus lentement que les hommes. Nous mangeons notre chagrin jusqu'à la dernière goutte. Puis le rotion échappe à la face du soleil. C'était hier, c'était ailleurs. Il y a très longtemps. Lasse de nous appeler. La mer quitta la terre pour entrer dans la terre. Vue d'en haut, elle ressemblait à un caillou. Vue d'en bas, elle ressemblait à une pomme de pin écaillée. Il lui arrivait de pleurer en sanglots qui faisaient frémir le feuillage. La vie, lui crions-nous, est une ligne droite de bruit. La mort, un cercle vide. Dehors, il y a l'hiver. La mort d'un moineau a noirci la neige, mais rien ne l'a consolée. « Quelle est la nuit parmi les nuits ?» demandait-elle à la chouette. Et la chouette ne pense pas, la chouette sait. Dans l'unique photo d'elle que nous gardons entre deux factures, ses cheveux, son couleur sépia, les morts vieillissent comme le papier. Ça ne pouvait être qu'ailleurs. La colère du soleil renversait le pays. Des hommes venus du côté sourd du fleuve, cognés aux frontières. Je dis homme pour ne pas dire sauterelle. Je dis sauterelle pour ne pas dire fêtue de paille et fan de maïs. Ils arrivaient tous les soirs de toutes les années, leurs arbres tenus en laisse, leurs enfants plantés au pied de leurs oliviers. La mère dans son sombre réduit comptait leurs pas. La mère compatissait, leur langue épaissie par le sel de la mer morte, leur gorge emplie du vent de la Galilée. Ils creusèrent leurs tranchées dans nos chambres, allongèrent leurs fusils dans nos draps, squattèrent nos trottoirs à longueur d'homme, à longueur de honte. Leur torpeur, une fois mort, ne les a pas suivis. Visible à travers le linge sur nos cordes, leur pays leur tourne le dos. « Cachez la maison derrière la maison !» criait la mère. « Enterrez la terre dans la terre. Les étrangers emporteront les murs comme fagots de bois au dos de leurs mulets, boiront la sueur verte des arbres, l'urine noire des mines, le sang gris des rochers. Le pays sous leurs pieds glissera vers le nord. Le sud bardé de barbelés deviendra ouest. » Dévoleuses leurs femmes qui cousent leur luzerne sur nos prés. Un mensonge, leurs brebis fécondées cette fois l'an, et que leurs oreillers s'envolent avec les cigognes. trop courtes leurs aiguilles, trop courtes leurs échelles pour quérir la pluie. Leur chanvre effilochée, leurs aiguilles courbes pour coudre les linceuls, ils naissent et meurent à la lueur des lanternes. Adossés à leur foi, ils voient parfois des choses s'approcher. Je dis choses pour ne pas dire silhouettes. Ce ne sont pas des silhouettes non plus, mais les contours d'êtres qui promènent leur désarroi. Un soir, dans l'embrasure de notre porte, apparut un homme aux cils blonds. L'eau du robinet gela après son départ. Appuyé sur le manche de son balai, comme le djaour ottoman sur sa baïonnette, la mère échangerait sa vie contre un livre. La nuit, dit-elle, un tableau noir. Donnez-moi un crayon pour vous écrire une lettre. Quel temps faisait-il le jour de mon enterrement? Avait-on prévu des chaises pour les visiteurs suivis de chiens? Avait-on moulu du café pour les insomniaques? S'essuyait-il les pieds sur le paillasson avant de traverser le seuil? Le mar de café tenait lieu de seule lecture à la mer. Elle disait nuit, et nous ramassions linge et nuages suspendus à la même corde. La mère qui allumait la lampe à pétrole tournait le dos au soleil qui plongeait deux fois dans le bassin de l'orphelinat. La première fois pour se laver, la deuxième fois pour soulever son poids de mécontentement. Morte, la mère continue à lire le mar de café dans ma tasse du matin. Morte, la mère, la maison continue à tourner dans sa tête. Morte est la ligne des silences qui n'ont aucun lien entre eux. Penchée au-dessus de mon épaule, la morte analphabète surveille ce que j'écris. Chaque ligne ajoute une ride sur mon visage. Chaque phrase la rapproche d'un pas de la maison des orties. Elle l'aurait atteinte si les oiseaux n'avaient picoré les cailloux sur son parcours. Elle dit oiseau pour ne pas dire guerrier. Elle dit guerre pour ne pas dire folie du fils et du grenadier. Renvoyé de l'asile des fous bombardés, le fils devenu fou à 20 ans s'accroupit au pied de l'arbre qui saignait avec sa mère. Personne ne le reconnut, personne ne le chassa. C'était la guerre et la maison avait perdu sa porte. Moment, dit-il en 2 temps. Il réclamait à la morte des poèmes écrits avant la guerre, avant l'asile, alors qu'elle lui avait interdit de prononcer ce mot « asile ». Ses filles lui resteraient sur les bras, personne ne les épouserait. Quelle idée de réclamer des poèmes écrits avant les bombardements? Tu en écriras d'autres, moins démodés, sans gribouillage, sans rature. À la troisième personne, pour qu'on ne te reconnaisse pas, au présent, pour faire table rase du passé. Voilà ce qu'elle aurait pu dire si elle n'était pas morte. Deux morts acrimonieux discutent dans ma tête. Qui parle là-haut? Une pluie de rue répond à ma question. Évoquer des morts insatisfaits suffit pour apporter le mauvais temps. Mère de rien du tout, qui traverse des années avec son tablier décoloré, une serpillière dans une main, sa dignité dans l'autre. Mère qui célèbre la nuit avec sa lampe à 3 mèches, aplatissant la grisaille, la couchant sur le sol en terre battue pour mieux écouter la respiration des morts. Le temps là-haut était à la contemplation dans ce village haut de 2500 mètres. Le linge pouvait attendre, les femmes le suspendraient le lendemain aux cordes. Très haut, de peur que les insectes n'y fassent leur nid. Immobile face à la ville, la mer bougeait dans ses seuls rêves. Elle enjambait des ruisseaux, piétinait des ronces, houspillait des chacals, lançait des pierres sur des serpents. L'herbe du diable séchait sur les toits avec le thym et le basilic, guérissait les migraines. Réconcilier les vents qui s'étripaient dans la vallée, Jetez-les dehors, criait la mère. Il n'y a pas de vent fiable. Elle pédalait de nouveau sur sa machine à coudre, tablier, linceul, robe de mariée se suivait dans le désordre. Elle coupera le fil à la tombée de la nuit, à la tombée de ses paupières cousues de fils de feu. Le râteau dans une main, le crayon dans l'autre, je dessine un parterre. J'écris une fleur à un pétale. Je désherbe un poème et écris entre veille et sommeil. Je fais la guerre aux limaces et aux mots et aux adjectifs adipeux. Le chien dent acrimonieux pousse sur mes draps. Les mots récalcitrants se prolongent jusqu'à mon jardin. Je sarcle, j'élague, j'arrache, je replante dans mes rêves. Le matin me trouve aussi épuisé qu'un champ labouré par une herse rouillée. Le rêve, seul moyen de locomotion pour atteindre ma mère qui habite le dessous. Elle se disait la mère de tous ceux qui savent dessiner une maison. C'est pour eux qu'elle trayait la lune, qu'elle conservait son lait dans une jarre femelle, loin du soleil qui avait mangé ses deux fenêtres, éroté une écharpe sur son seuil. Assis sur le même seuil, les mots de ma langue maternelle me saluent de la main. Je les déplace avec lenteur, comme elle le faisait de ses ustensiles de cuisine. Marmite, écuelle, louche, bassine ont voyagé de main en main. Quels mots évoquent les migrations d'hommes et de femmes fuyant génocide, sécheresse, faim? Enfants et volailles serrés dans le même baluchon, parlait-il l'araméen coyouteux, l'arabe houleux des tribus belliqueuses, ou la langue qui teinte comme billes de verre dans nos poches d'enfants. Quatre murs avait la maison, quatre côtés la boîte d'allumettes, quatre enfants moins un qui alla rejoindre la portée de chat dans le puits. Approche-toi de la fenêtre si tu veux voir l'air accroupi par terre. Sauver l'enfant noyé dans le puits. Odeur humide des sanglots. Odeur sèche de la jarre adossée à la porte. C'était hier. La colère du père renversait la maison. Nous ne retenons aucun nuage. La lune s'est faite pour pleurer. Morte, la mer ressemblait au tilleul de la place, au bois de la table sur laquelle elle écrivait nos visages, à la bûche qui ne transpire ni ne se plaint de ses fumées. Morte, la mer se mit à nous éviter, tourna le dos à la lune, à la lucarne. Moins morte, la mère disait la lucarne piège pour une lune tombée dans sa lampe. Moins morte, elle disait la lune est un pain cuit entre deux pierres. Une lune ne remplit pas une huche, ne colmate pas les fissures de l'évier, ne balaye pas les miettes des disputes, ne rempaille pas les chaises. Une lune n'allonge pas la chevelure de l'hirondelle. La lune, disait-elle, était plus lune de son vivant. Là, les renards qui la reconnaissaient au flair retenaient leurs allumettes. Morte, la mer fut répartie entre trois trous. On nous accusait de jeter des pierres dans le sommeil des vivants, de crier dans les puits avec les loups et l'écho, de nommer nos arbres à l'envers par crainte du mauvais œil, d'entraver la marche du fleuve alors que nous n'avions devancé aucun ruisseau. On nous disait fixe alors que nous déménagions à chaque fin de concession, lourds d'ossements et de regrets friables, séchés entre deux pierres. Avant de nous rendre à notre destin, cerf-volant, souterrain, nous étions ce qui n'était plus alors qu'on nous croyait identiques à nous-mêmes, réversibles par tant d'humidité, que notre progéniture est succession de cailloux et nous autres fractures dans la continuité, viendra un jour où personne ne viendra en nous, ni ne tournera le loquet de notre écorce que nous tomberons des pages avec les mots. Nous vivions sur une terre remplacée par une autre terre. Seuls les contours du paysage nous appartenaient. Certains prenaient l'horizon pour une clôture de jardin. D'autres donnaient des noms de fleurs aux cailloux. Nous étions des pariés indolents. Personne ne ramassait les débris de brouillard. Personne ne recousait. Les vieux nuages faisaient peur aux enfants. Rien ne se lisait. Les choses rabattues par le vent n'étaient pas des livres, mais des réminiscences écrites par le sommeil et que la guerre effaçait. Il nous arrivait de demander à la mère la date de sa mort. Et si la boue de son corps, de son cœur, s'accommoder avec les angles. Nous habitions à l'époque une terre entre deux terres, une terre entre deux guerres, le père trayait l'orme blanc et nous donnait son lait. Le père était plus fort que le vent, plus grand que le vent. Pourtant, ses poignets étaient lianes de chèvrefeuille, ses genoux, cailloux de rivière. Le père cachait une force sous sa faiblesse. Il abritait une horde de loups dans sa gypsière. La nuit venue, loin des bombardements, il comptait les arbres comme du bétail, les traînait vers l'enclos, les attachait aux pieux, sourds au mugissement de la forêt, à la rage des arbrisseaux qui frappaient le sol de leurs sabots rageurs. Nous profitions du sommeil du père pour ouvrir sa poitrine, voir si quelqu'un y habitait. Voilà. J'aimerais parler aussi de mes romans. J'ai expliqué un peu la démarche de celui-là, mon dernier, Abdelkader, le massacre de Mascara en 1840, 8000 juifs tués dans la même journée à l'arme blanche, et l'idée saugrenue qui sort dans la tête d'un rabbin juif un peu gâteux d'aller chercher une fille juive du désert pour la marier à Abdelkader qui ne lui a rien demandé. L'émir Abdelkader régnait sur le trois quarts du pays, mais se battait contre la France. Il cherche une fille de 13 ans, 14 ans. Il la fait grimper derrière lui sur son âne, traverse le désert avec elle. Elle croit arriver dans un palais. Elle ne voit que des tentes. La smala d'Abdelkader, c'était des tentes. Abdelkader n'est pas là, il se bat contre la France. Abdelkader, une semaine après, et prisonnier de la France, qui l'envoie dans la prison de Pau, puis au château d'Amboise. Tout le monde est exilé, tous ces gens, 3500 personnes, envoyées à l'île Sainte-Marguerite. Ils arrivent dans l'île, beaucoup de noyés, de la faim, des enfants qui crient, des enfants qui pleurent. Tous tapent sur la porte du monastère des Carmélites. Et les Carmélites ont voué leur vie au silence, à la méditation. Elles n'ouvrent pas à cette horde de gens affamés, malades, avec des enfants, avec des gens, avec des cadavres de noyer. Les religieuses prient pour le repos de l'âme de ces gens. Ils disent, ils leur crient par une fenêtre, nous prions pour vous. Mais ne vous attendez à rien de nous. Nous méditons sur votre sort, nous demandons à Dieu de venir à votre aide. Alors ces gens sont dans la pinède, ils font des tentes, ils attendent des jours meilleurs, mais il y a cette jeune fille qui est là, et les juives, les femmes musulmanes ne veulent pas d'elle, les religieuses disent, et les descendantes de ceux qui ont crucifié le Christ. Il n'est pas question qu'on lui ouvre la porte. Et puis un jour, il y a un homme qui a essayé de la violer. Alors les religieuses décident de la faire baptiser et de la faire rentrer chez eux. Elle rentre, elle marche à petits pas en regardant le crucifié. Elle dit « Ah, celui-là a été crucifié par mes ancêtres, il ne faut pas qu'il me voie. » Et un jour, on l'utilise à la cuisine, elle fait du ménage, elle voit un jeune moinillon qui lui explique que lui fait plante des tomates, plante des herbes, plante ceci, cela, qu'elle voit encore une jeune novice qui a été quittée par son fiancé et qui est venue se faire religieuse. Elle n'a pas encore prononcé ses vœux. Et un jour, on voit un homme arriver, il neige, il se met debout face à la fenêtre de la grande abbesse et lui crie « Rendez-moi ma fiancée !» 3 jours à crier « Rendez-moi ma fiancée !» Et la religieuse, l'abbesse qui lui crie « Votre fiancée est devenue la fiancée du Christ. Il veut la novice. » Et puis il tombe malade, il a la diphtérie, on le renvoie dans une barque avec cette jeune fille. Il veut une fille, il veut sa fiancée, il veut une femme, qu'il prenne cette fille avec lui. Elle s'en va avec lui, elle arrive à Albi où il habite. Il est peintre, il est très malade. Un mois après, il lui demande de poser. Chaque fois qu'elle pose pour lui, c'est l'image de sa fiancée qui sort. Elle quitte, elle s'en va. Elle se dit « Je n'existe pas pour lui ». Et puis, sa vie l'amène à Paris, où quelqu'un, un foutraque, lui fait croire qu'elle serait bonne pour jouer le rôle de la reine Esther. Elle est juive comme la reine Esther, de la pièce de Racine, Esther. Et elle arrive, le théâtre promis est une petite gargote. Elle est renvoyée dans la rue. Mais chaque fois qu'elle est malheureuse, qu'elle est dans la rue, qu'on la rejette, elle croit en sa bonne étoile parce que sa mère lui a dit « Tu as une tache bleue au-dessus des fesses et ça veut dire que tu épouseras un prince. » Et elle suit. Elle est sûre que l'émir Abdelkader va se libérer un jour, va être libre, et qu'il va l'épouser, qu'il va lui acheter une autre robe que celle qu'il a sur sa peau et qu'il va lui donner 3 fois à manger par jour. Et tout ça, une fin misérable, mais elle croit à son destin. Voilà. Vous pouvez me poser des questions. Bravo. Notre représentant de la culture libanaise me posait une question. Le Liban est dans tous mes livres. Oui, l'Orient est dans tous mes livres. Je sais. Et la France aussi. Oui, ici c'est l'Algérie et la France. Les fiancés du Capitaine S, c'était la Tunisie, parce que c'était un livre aussi historique comme celui-là. Beaucoup de documentation. C'était le naufrage d'un bateau de marins français en face de Ténès et 100 otages français qui ont été pris par le gouvernement de l'époque, par le dé d'Alger. Les 7 pierres pour la femme adultère, c'est la femme qui a été lapidée sous nos yeux. C'est toujours, je raconte, la femme qui vient d'Orient face à celle qui s'est libérée et qui vit. Et qui existe et qui a son mot à dire, la française. Et comme j'aimerais que la femme, qu'on lapide à coups de pierre, que la fille à laquelle on interdit d'aller à l'école, dont on brûle les yeux à coups de jet d'acide, et qui dit même aveugle, je continuerai à lire et à écrire, que ces filles, un de ces jours, puissent avoir le destin des filles françaises, des filles d'Occident. Voilà. Vous êtes arrivée en 72 à Paris ? Je suis venue vivre en 72 en France et j'adore ce pays. J'adore sa langue. Vous parlez de la guerre à travers vos textes, vous l'avez vécu ? La guerre, chaque fois que j'ai 3 enfants, j'avais 3 enfants d'un premier mariage libanais. Donc je les ai amenés avec moi, mais chaque fois que ça allait mieux, parce qu'il y avait, la guerre n'était pas continue, elle était par morceaux comme ça, alors on reprenait courage et on repartait, et il y avait parfois des images qui fendait le cœur. Je me rappelle mon premier voyage après 7 ans d'interruption. Je vois une main devenue verte accrochée à un fil électrique. Quelqu'un qui avait dû être explosé avec une voiture, piégé. Je vois une sandale d'enfant dans une petite mare de sang congelé. Et j'ai imaginé qu'il y avait un enfant qui avait été tué dans cet endroit. Je voyais des séquelles, des restes, et qui étaient encore plus terribles pour moi, de culpabilité, parce que je n'avais pas partagé avec mes compatriotes ce qu'ils avaient vécu. Oui. Mais ça ne vous a pas empêché de retourner à chaque fois. Oui, c'était terrible, le Liban a beaucoup souffert. C'était... Nous qui étions là, on souffrait avec les Libanais. Je me rappelle, ils affrontaient la guerre à visage découvert. Et moi, je l'affrontais avec mes écrits. J'ai fait 3 livres qui sont trois tomes. Le Vacarme pour l'une morte, la mort n'a pas, les morts n'ont pas d'ombre, La maîtresse du notable. Je racontais la guerre dans ce pays. Donc je me cachais derrière, je me protégeais derrière la page blanche, je la remplissais. Mais eux ne pouvaient pas se protéger derrière la page blanche. Ils marchaient, mes compatriotes marchaient à visage découvert face au bombardement. Mais il n'y a pas à dire, ils déteignaient, leur peur déteignait sur nous. Quand je sortais à Paris, dans le 16e arrondissement pour aller acheter du pain, je rasais les murs. Parce que j'imaginais qu'il y avait des francs-tireurs terrés sur les toits. Je n'osais plus marcher au milieu de la rue. On ne pouvait pas... On était devenus très vulnérables. D'ailleurs, on ne parlait que de ça entre Libanais. Combien de morts aujourd'hui? Quand c'était plus de 500 morts, la presse française en parlait. Quand c'était 100 morts, c'était pas important, on n'en parlait pas. C'était devenu une chose banale, la mort au Liban. Voilà. Je voudrais te poser la question, comment vivaient les 3 communautés monothéistes? Ils vivaient dans les abris, madame. Les femmes dans les abris avec les enfants et les hommes se battaient. Mais les femmes dans les abris devaient sortir de temps en temps pour aller pêcher de l'eau dans une canalisation qui avait explosé. Alors c'est là que les francs-tireurs les prenaient pour cible. Les femmes devant les boulangeries étaient la meilleure cible des francs-tireurs. Il y a beaucoup de femmes qui ont été tuées comme ça. Les femmes s'étaient battues après la guerre, à coups de plume, elles ont écrit. Avant c'était un peuple qui écrivait, il y avait beaucoup de poètes. Et brusquement, il y a eu des romanciers, des romancières plutôt. Il y avait une explosion de romancières incroyable. Plus de 50 romans ont été publiés en 5 ans. Moi, je ne savais plus où donner de la tête. C'est pourquoi j'ai essayé de créer le prix des 5 continents, le prix du roman arabe, le prix... Il fallait attirer l'attention sur eux parce que la presse française ne s'intéressait pas beaucoup aux romans venus du Liban, voilà. Les femmes ont raconté le Liban, les hommes l'ont détruit. D'ailleurs, la guerre, c'est une invention d'hommes. C'est les hommes qui ont créé les premiers barbelés, c'est les hommes qui ont créé des chars, c'est les hommes qui ont créé des armes. Je n'ai rien contre les hommes, je me suis mariée 2 fois et demie, donc j'aime les hommes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils naissent, on leur apprend à jouer à la guerre, on leur apprend à être combatif, tu n'es pas une petite poule mouillée, va te battre, prouve que tu es fort, prouve que tu ne te laisses pas faire. Surtout ne pleure pas. Madame est libanaise. Mm. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. À l'odeur. Voilà, alors j'ai publié 25 romans, 24 recueils de poèmes, mais qui se passent toujours entre ces pays. Le seul livre que j'ai écrit qui se déroule en France, dans les faits, c'est « Cherche-chat désespérément », c'était pour m'amuser. Je me raconte avec ma maison, avec mes chats, j'en ai eu tout le temps. Mes chats font beau ménage avec les poètes, parce que chez moi se réunissent les poètes de tous les jurys desquels je fais partie. Prix Mallarmé, prix Max Jacob, prix Van Gogh, prix ceci, cela. Alors, au lieu d'aller discuter dans un bistrot bruyant, on déjeune, on mange libanais, on discute. Et mes chats s'exaltent dès qu'elles voient les poètes, elles montent à table, elles lèchent la sauce dans l'assiette de l'un. Voilà, je raconte les chats et les poètes. Ah bon ? Oui, bien sûr. Il ne m'en reste qu'une, madame. Cette année a été assassine. Elle a pris mon dernier compagnon. Puis ma dernière chat, pas ma dernière, mon avant-dernière chat. Il a même tué mon ordinateur il y a un mois. Alors vous voyez, tout meurt chez moi depuis quelque temps. Oui. Pourvu que ça s'arrête là. Alors il reste la dernière chat qui est très, très misérable depuis que l'autre est mort, depuis que son ami, mon compagnon qui l'adorait, alors elle se cache tout le temps et croit que la mort va venir la prendre par la peau du cou et l'étrangler. Je l'ai quitté tout à l'heure, il était sous l'édredon. Alors on voit un petit enflement comme ça, comme elle est petite. Elle se cache tout le temps. J'espère que la mort ne va pas la trouver. Voilà. Il y a des années comme ça. Votre parcours avant 72 au Liban, vous l'avez vécu comment en fait? Au Liban, j'étais mariée avec un homme. Avant de commencer d'écrire, J'ai commencé à écrire quand j'étais à l'école des lettres. J'ai publié mes premiers recueils de poèmes à 19 ans, j'étais à l'école des lettres. Et puis, même mariée, je continuais à écrire. Et je faisais un enfant. Puis un recueil de poèmes, un enfant, puis un recueil. Et quand la guerre a commencé, j'ai senti le besoin d'écrire de la prose pour raconter ce qui se passait dans mon pays. La poésie ne suffisait pas. Il fallait aller dans tous les recoins. Il fallait la prose. La poésie survole les événements, les raconte par petites bribes. Alors que le roman va dans tous les coins, tous les recoins. C'est comme quand je vais beaucoup dans les écoles, je fais beaucoup d'animations culturelles dans les classes, surtout maintenant, Printemps des poètes. J'en ai fait 11 jusqu'à maintenant, depuis le début du mois. Je dis aux enfants qui sont jeunes, la poésie, le roman, c'est comme si vous preniez un train à vitesse normale. Vous regardez par les vitres et vous voyez le paysage. Vous remarquez qu'il y a une route, il y a une maison, il y a un fleuve, il y a un pont, il y a des passants, il y a des arbres. La poésie, c'est plutôt un TGV. C'est la rapidité de l'écriture qui fait la différence entre la prose et la poésie. Ça va à toute vitesse. Vous attrapez un trait d'un arbre, vous attrapez un caillou sur une route, vous voyez une brique d'un toit. J'aurais une question concernant votre écriture, parce que j'ai lu des entretiens que vous avez menés, et il y en a un dans lequel vous déclarez finalement, avant la langue française était assez riche, c'est-à-dire du temps de Rabelais, c'était une langue très touffue. Voilà, exactement, bravo. Et après, c'est devenu une langue assez cartésienne, tout à fait. C'est un petit peu desséché. Et je faisais un petit peu le parallèle avec ce qu'avait dit Salas Tétier, qui est intervenu la semaine dernière, où il disait, c'est bizarre, les auteurs, on appelle francophones les auteurs des différents continents. Exact. Par contre, les auteurs qui viennent d'Europe, comme Beckett par exemple, on ne dit pas qu'ils sont francophones, on dit qu'ils sont français. Exact. Et c'est vrai que j'aurais un petit peu deux traditions, comme c'est une tradition où le français s'épure complètement par analyse, et une autre peut-être à travers le roman dit francophone, où il y a plus de richesse. Voilà, un grand littéraire, il sait dire tout, il a retenu Salas Tétier et qu'il cite, c'est un poète qui a donné une lecture ici il y a quelque temps, et était mon prof à l'école des lettres, et lui, moi, tous ces francophones, nous aimons la langue française, nous avons une passion pour la langue française, nous l'utilisons avec ferveur. Alors que les Français sont en train de maltraiter leur langue, on décrit le roman français actuel, Il n'y a plus ni image, ni imagination, ni exaltation, ni lyrisme, ni même sens, il n'y a plus parfois. C'est une accumulation de gestes et de narrations, de gestes quotidiens. Ça ne laisse pas rêver, il n'y a pas de place pour le rêve, ça raconte le quotidien. Je lisais hier un livre, quand je rentrais de Montpellier, j'avais un roman entre les mains qui a eu beaucoup de succès. Il raconte comment son directeur voulait la tabasser, l'écraser, la jeter en dehors de son travail, comment elle essaye d'envoyer des SMS à l'un et à l'autre, comment elle envoie des mails pour se plaindre, et comment elle rentre chez elle, elle va à la supérette acheter de quoi faire manger ses enfants. Comment il narre le quotidien dans toute sa nudité, dans toute sa, dans tout ça, comment vous dire, il est plat, il n'y a rien. Or le roman, ça doit faire rêver, ça doit vous faire vous distraire de votre vie banale, de cette supérette, de ce SMS, de ce téléphone, des impôts qu'il faut payer, de la... Mais qu'est-ce qu'elle apporte, cette littérature, quand elle ne sort pas de quand elle rentre par terre sur un quotidien banal, rien. Or nous, les francophones, nous faisons rêver encore, parce que pour nous, écrire un livre, c'est hisser le lecteur vers le haut, le faire rêver, le faire, lui faire entrevoir des mondes auxquels il n'a pas, un monde auquel il n'a pas accès. C'est terrible quand vous l'enfoncez de nouveau dans ses impôts et dans sa contravention et dans l'huissier qui vient lui mettre de la cire rouge sur son frigidaire ou sur sa porte. Mais qu'est-ce que ça apporte à ce moment-là? La poésie doit faire rêver, doit changer le quotidien. Il faut se sentir ailleurs, sentir un air différent, voilà. Nous ne maltraitons pas la langue française, nous, les francophones. Nous l'aimons beaucoup. Peut-être que les Français considèrent comme c'est leur langue, ils ont le droit de la maltraiter. Dommage. Oui. Oui. Une autre question ? Je vous lis une page du roman. Voilà, et on termine sur ça. Comment ça se termine comment, en réalité ? Pardon ? Comment ça se termine mal ? Il arrive à Belcader ou pas ? Il revient ? Voilà. Ça, c'est drôle, ça, c'est comment la jeune juive a failli être violée par cet homme qui rôdait autour d'elle toutes les nuits parce qu'elle dormait sur les marches de l'escalier des religieuses qui ne lui ouvraient pas sa porte. Elle s'appelle Yuda, la fille. Les hurlements de Yuda réveillent les religieuses et ameutent les insomniaques. Tous cherchent le violeur qui a disparu dans la nature. Son plaisir pris à la sauvette. Il se donne bonne conscience, la fille l'a provoqué et n'avait pas à lui montrer ses fesses. Comment résister à un corps jeune et bien portant? Il faut être un saint pour ne pas profiter de l'occasion. Elle lui a montré la tache bleue pour lui dire non, elle ne veut pas de lui. Un grand destin l'attend, elle va épouser un prince. Alors lui a considéré qu'elle le provoquait. Une vieille accoucheuse qui sort les enfants du ventre de leur mère déclare, après un rapide examen, que faute d'introduire son seau dans le puits, le violeur s'est soulagé sur la margelle. La fleur de la fille est indemne, il leur dit. Tant de tact suscite l'admiration de l'abbesse. Elle félicite la sage-femme pour le choix judicieux de ses mots, conçus pour ne pas heurter les chastes oreilles de ses religieuses. voyant tous les regards braqués sur elle et l'annonce d'un ton solennel que le couvent accueillera désormais la fille juive pour la nuit, même si ses ancêtres ont crucifié le Fils de Dieu. Notre devoir de bon chrétien l'exige. Revirement inattendu, le monastère en trouve sa porte. L'ouvrira complètement avec le temps et retourne à leur tente, avec l'impression qu'il y a une possibilité d'entente avec le religieux, qu'il y a un Dieu pour les exiler. C'est lui qui a choisi le lieu de leur exil, lui qui mettra fin à leur calvaire. Le portail refermé derrière elle et marchant à petits pas derrière l'abbesse, Yuda avance sur la pointe des pieds, de crainte d'oreiller le sol brillant comme un miroir. Il vient du désert, il n'a jamais vu un sol brillant. Il n'a jamais vu des murs aussi blancs, aussi hauts. Le crucifié en face la regarde de travers. Il doit savoir qu'elle connaît le rabbin Haïm, qui continue à attendre la venue de notre Messie. Elle baisse les yeux pour ne pas voir son corps nu, nu malgré le froid. Nu et douloureux, mais nullement impudique, pense-t-elle. Et elle le plaint de garder sans se plaindre la même position inconfortable, debout sur ce morceau de bois. La voix de l'abbesse, à travers les ailes rigides de son voile, la fait sursauter. « Mes religieuses et moi saurons trouver un moyen pour sauver votre âme et ferons le nécessaire pour vous guérir de vos perversités, la prière et le savoir. Seule arme contre le diable, la sœur aumônière vous apprendra à prier, une novice, sœur Cécile, vous apprendra à lire et à écrire. Vous avez le même âge ? Tu t'appelles Judith à partir d'aujourd'hui. » Et ça, c'est la leçon. La leçon que lui donne la sœur Cécile, pourvu que je la trouve. Non, je ne la trouve pas. Voilà. Ah, ah comme Amen, dit sœur Cécile. Ah comme Abdelkader, dit Judith. B comme bénédiction, dit sœur Cécile. B comme bar mitzvah, rétorque Judith. C'est comme Christ ou comme Kabbal, rectifie Judith. Mais la novice, qui ne semble pas d'accord, enchaîne sur une autre terre. D comme divin. D comme Darbouka. Comme Daoud, ose Judith. T comme tabernacle, propose sœur Cécile. T comme tabla et talit, suggère Judith. C'est quoi le talit, s'informe sœur Cécile. Le châle de prière, explique Judith. Donc une étoile, confirme sœur Cécile. H comme hostie, reprend sœur Cécile. Ou comme Haïm, comme le rabbin, propose Judith. R comme rédemption, dit ses sœurs Cécile, rabbin. R comme rabbin, s'énerve Judith. Chacune a son vocabulaire. La novice et la fille juive née dans le désert ont des mots différents pour nommer la même chose. Seule Sahara les met d'accord. Elle le clame d'une même voix, content de trouver un terrain d'entente. Voilà. Merci. Bravo.